la tristesse en toile de fond et je dresse un tableau noir. Même dans le bonheur je me pose des questions, c'est fou ce que je suis bizarre. Pourquoi lorsque tout va mal j'ai l'impression que je vais bien? La routine est une spirale quand dans tes rêves de devenir quelqu'un. J'ai rien, rien à t'apporter, rien à t'apprendre. C'est à toi de faire en sorte que tu puisses devenir un exemple. Tu es perdu entre construire une famille, construire une carrière, construire un avenir, mais impossible détruire des barrières. L'intérim ne t'appelle pas, la mission locale ne fait pas de magie. On te dit que tu manques d'expérience, de motivation, d'énergie. Je sais que tu te sens piégé, réagis, ne reste plus figé. Si tu ne t'aides pas, personne t'aidera. Est-ce que t'as pigé? Toujours au même stade qu'à l'époque où je te croisais. Je fais toujours du rap, mais j'ai arrêté de squatter le pavé. Je m'adresse à toi là, toi, perdu dans le noir. Je réalise que cette personne c'est moi et que je parle à un miroir. De plus que je note sur mon cahier, les déceptions fusent et j'ai du mal à vous en parler. Pourquoi lorsque tout va bien j'ai l'impression que tout va mal? Je suis écorché par la vie car des regrets tapissent ma toile. J'ai dans la tête beaucoup de remords et de craintes. Beaucoup trop d'amis m'ont déçu et l'amour m'a rendu dingue. J'ai la poisse dans mon vécu, cette vie n'est pas si simple. J'ai su que les rapports humains ne se tissent pas sans contraintes. J'ai appris que les vérités ne se tissent pas sans divorce et que l'amitié face à l'argent peut perdre toutes ses forces. Qu'un homme reste faible en un clin d'œil, oublie ses valeurs, oublie les sentiments et peut s'appuyer sur tes malheurs. Marcher sur ta tête, s'il peut grimper, il grimpe. Peu scrupuleux sont les personnes qui ont un objectif à atteindre. Tu peux clamer plainte sur plainte, mais personne ne t'écoutera. Ces gens-là te dégoûteront. Avec le temps, tu comprendras, tu apprendras qu'il faut se taire même quand tu passes un examen. Si on te pose trop de questions, montre-leur les cinq doigts de ta main. Ça peut te paraître dérisoire, mais j'ai grandi dans ce genre d'histoire. Mon vécu est un entonnoir qui débouche sur peu d'espoir. C'est clair qu'on n'est pas aidé, notre enfance t'en a pas idée. Pourquoi je suis au même point que mon voisin de palier? Je m'adresse à toi là, toi, perdu dans le noir. Je réalise que cette personne c'est moi et que je parle à un miroir. De plus que je note sur mon cahier, les déceptions fusent et j'ai du mal à vous en parler. Pourquoi lorsque tout va bien j'ai l'impression que tout va mal? Je suis écorché par la vie car des regrets tapissent ma toile. J'ai dans la tête beaucoup de remords et de craintes. Beaucoup trop d'amis m'ont déçu et l'amour m'a rendu dingue. J'ai la poisse dans mon vécu, cette vie n'est pas si simple. J'ai su que les rapports humains ne se tissent pas sans contraintes. Les plus intelligents sont ceux que tu ne vois plus dans ta rue. Ceux qui squattent en bas parlent beaucoup beaucoup mais n'ont rien vu. Les bidons restent et les jeunes ambitieux disparaissent. Tu vas avancer sans bâton dans tes roues, change d'adresse. Souvent les plus jaloux ne sont pas ceux qui le paraissent, car ceux qui te connaissent savent tes défauts et tes faiblesses. Ton anxiété germe, ta vision des gens est terne. Ta peau est souriante, rien n'y fait, t'as l'âme en peine. Tu manques de délicatesse, tu trembles dans la tristesse. Tu campes dans cette vie de merde, tu planques toutes ces faiblesses. Je m'adresse à toi là, toi, perdu dans le noir. Je réalise que cette personne c'est moi et que je parle à un miroir. J'ai beau dire, j'ai fait tous les mauvais choix qu'un homme entre deux âges puisse faire, d'accord? J'ai claqué tout mon pognon, croyez-le ou pas. J'ai fait fuir tous ceux qui m'ont jamais aimé. Et ces temps-ci, je ne supporte même plus de voir mon visage dans le miroir. Une introspection de plus que je note sur mon cahier. Les déceptions fusent et j'ai du mal à vous en parler. Pourquoi lorsque tout va bien j'ai l'impression que tout va mal? Je suis écorché par la vie car des regrets tapissent ma toile. J'ai dans la tête beaucoup de remords et de craintes. Beaucoup trop d'amis m'ont déçu et l'amour m'a rendu dingue. J'ai la poisse dans mon vécu, cette vie n'est pas si simple. J'ai su que les rapports humains ne se tissent pas sans contraintes.